Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 107. De l'ingratitude. L'ingratitude est un péché spécial, tantôt mortel, tantôt véniel, qui mérite parfois la privation de nouvelles grâces. 1. L'ingratitude est-elle toujours un péché? Saint Paul range l'ingratitude parmi les péchés en disant, rebelles à leurs parents, ingrats, souillés de crimes, etc. 2 Timothée 3:2. La reconnaissance, avons-nous dit, est un devoir exigé par la vertu d'honnêteté. Or une action est un péché par cela seul qu'elle est contraire à une vertu. Donc l'ingratitude est toujours un péché. Note. Dans l'impossibilité de rendre des actions de grâce, la bonne volonté suffit pour la reconnaissance, rien ne saurait donc servir d'excuse aux ingrats. Quant à l'oubli, où il vient d'un défaut naturel qui n'est pas volontaire, et alors il n'appartient pas à l'ingratitude, ou bien il provient de la négligence, et, dans ce cas, il est l'ingratitude même. L'oubli, dit très bien Sénèque, montre avec évidence que l'on n'a pas pensé souvent à rendre le bienfait. Pour les services qui tendent au mal, il n'y a point de compensation, ils sont des actions nuisibles, et non des bienfaits. Fin de la note. 2. L'ingratitude est-elle un péché spécial? L'ingratitude est un péché spécial, opposé à la reconnaissance, vertu particulière. Elle se commet d'abord par omission, et elle a pour premier degré de ne pas rendre le bienfait, pour second, de le dissimuler, comme si on ne l'avait pas reçu, pour troisième, de le méconnaître. Elle se commet ensuite par action, en rendant le mal pour le bien, en blâmant le bienfait, en le présentant comme une injure. 3. L'ingratitude est-elle toujours un péché mortel? L'ingratitude par omission n'est omission n'est pas toujours un péché mortel. En effet, la reconnaissance veut que l'obligé rende quelque chose au-delà de ses obligations rigoureuses, cela seul prouve que l'on ne pèche pas mortellement toutes les fois que l'on manque à la reconnaissance par omission. Mais cette omission est un péché véniel, à raison de notre négligence ou de quelque mauvaise disposition à l'égard de la vertu, elle peut être même un péché mortel, soit par le mépris des bienfaits, soit par quelque circonstance qui oblige impérieusement à payer la dette de la reconnaissance, par exemple, la dignité du bienfaiteur et la nécessité où il se trouve. L'ingratitude par action, qui, non contente d'omettre le devoir de la reconnaissance, fait tout le contraire, est tantôt mortelle, tantôt vénielle, selon les actes dont on se rend coupable. 4. L'ingrat doit-il être privé de tout bienfait? Le Très-Haut, dit l'Évangile, est bon pour les ingrats et pour les méchants. Luc 6, 35. Les enfants de Dieu doivent imiter leur Père. Il y a deux choses à considérer dans la conduite qu'il convient de tenir à l'égard des ingrats. Ce qu'il mérite, et ce que le bienfaiteur doit faire. Il mérite, sans aucun doute, d'être privé des bienfaits qu'on leur accordait. Le bienfaiteur doit ne pas croire facilement à l'ingratitude. Comme le dit Sénèque, celui qui n'a pas rendu un bienfait n'est pas toujours un ingrat, les moyens ou l'occasion ont pu lui manquer. Il doit tendre, en outre, à rendre les ingrats reconnaissants. S'il n'y a pas réussi par un premier bienfait, peut-être y réussira-t-il par un second. Mais, quand la multiplication de ces largesses ne sert qu'à les rendre plus coupables, il doit les cesser. Note. Alors se vérifie cette parole de la sagesse. 16, 29. L'espérance de l'ingrat se fondra comme la glace. Remarquons-le, ce n'est pas toujours donné à un ingrat l'occasion de pécher, que de lui faire des dons multipliés. S'il en prend une occasion d'ingratitude, il doit imputer sa faute à lui seul, et non à son bienfaiteur, qui lui a fourni les moyens d'accomplir les devoirs de la reconnaissance. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.